Des Jeux du Québec qui vont débuter vendredi à Drummondville. On aura des reportages comme on le fait avec Jenny Malta à tous les jours. Même en fin de semaine, Jenny va nous faire un compte rendu de ce qui s'est passé. Entre-temps, on va parler avec le chef de mission, Alexandre Lallemand. Salut Alexandre. Oui, ça va bien, ça va Salut, bien. ça va bien? Alexandre, on va parler d'abord des Jeux du Québec à Drummondville. Comment qu'on s'attend à l'école? En fait, nous, lorsqu'on a fait la prévision de performance avec nos responsables là, disciplinaires et nos entraîneurs, on s'attend à une vingtaine de médailles cette année là pour nos athlètes dans l'ensemble des disciplines sportives. Puis on s'attend à possiblement là, pointer là, dans le deuxième tiers là, au niveau du OK. À total là, des régions. Chicoutimi en 2000, 2013, comment j'avais eu, je me rappelle bien. Le mémoire de les médailles pour Chicoutimi, le nombre en 2013, c'était près d'une c'était 29, près d'une Donc, il faut trentaine s'attendre à une de récolte un médailles. peu moins grande cette année. Pour quelle raison, hein? Cette année, lorsqu'on a fait l'évaluation avec nos répondants disciplinaires au niveau des sports, on a une cuvée d'athlètes cette année là, un OK. petit peu plus jeunes, qui sont pas au même, je dirais échelon là, que notre cuvée de 2013. Donc, c'est pour ça là qu'on s'attend là à une récolte qui est très intéressante, une vingtaine de médailles pour l'ensemble des régions, mais qui s'explique là de par le fait qu'on a des athlètes un petit peu plus jeunes cette année là au niveau de leur bagage d'expérience versus les athlètes qui Donc, ont pu plus faire les Jeux jeune, en ça veut 2013. dire que pour Alma en 2000, 2017, ça devrait être positif. Si d'abord, ces athlètes-là vont être à maturité, ils vont avoir pris de l'expérience. En fait, ça dépend toujours parce que c'est pas les OK. mêmes groupes d'âge qui vont au jeu. Je vais donner un exemple. En judo, c'était la catégorie U16 qui participe au jeu cette année. Puis dans notre région, là, les U16, on avait une baisse là de participation dans l'ensemble des clubs. Fait qu'on a des athlètes un petit peu plus jeunes qui ont fait un petit peu moins de compétition d'envergure. Donc pour 2017, là, on est à penser que ça va être la même groupe d'âge. Mais comme on va avoir des athlètes là, cette année qui sont U14 ou même U12 qui sont dans un groupe plus vaste, vont avoir plus OK. d'expérience À là, de quoi qu'il faut compétition. s'attendre et dans quelle discipline qu'on risque d'être fort? C'est sûr que historiquement au niveau des jeux d'hiver, le Ah, ça patinage de c'est. vitesse, on a toujours bien pointé, là. Je sais que dans votre Fou. secteur, là, on a des bons athlètes aussi qui se développent dans les catégories cadets et juvéniles Ouais. féminins, entre autres. Puis, écoute, souvent qu'on pense à Jeux du Québec, on pense à Ah Catherine oui. Mailloux qui a gagné plusieurs médailles pour la région. Catherine, n'est pas avec nous, comme elle est du groupe d'âge plus âgé. Mais on n'a qu'à penser à Maud Maude, Tremblay? qui est de votre secteur, qui a Ouais. fait les... Oui, Maude Tremblay, effectivement, qui a fait les Jeux en 2013, aussi qui a gagné des médailles. Donc, Maude qui revient cette année. En ce qui se fait également, on a une belle cohorte cette année, là. Pascal, notre porte-drapeau, est en ce qui se fait également. Donc, Pascal s'est mis des objectifs assez hauts pour les Jeux, mais c'est un garçon avec de l'ambition aussi. Puis l'entraîneur nous disait qu'on a une belle cohorte OK. également en ski de fond. En curling également, là, le club de Dolbeau, Ouais. là, en curling masculin, qui ont bien compétitionné aussi là, au niveau provincial. Donc, je pense qu'ils s'attendent à une belle compétition là, au OK. niveau des Jeux du Est-ce que, Québec. mais je veux dire au hockey, à quoi ça va ressembler au hockey? Ah, OK, c'est sûr qu'en 2013, on a eu une belle, belle, belle surprise avec une médaille d'argent côté masculin. Côté féminin aussi, là, on a commencé un petit peu plus difficile le tournoi. Cette année, écoute, on veut pas se mettre de pression en hockey. C'est sûr que chaque finale est différente. Puis le hockey, ben, on le sait, là, vu de par la structure du tournoi, là, les premiers matchs sont cruciaux. Mais écoute, autant nos structures de hockey féminin que masculin cette année performent bien au niveau régional et provincial. Donc, on pourrait peut-être encore là avoir des OK. belles histoires, là. Faut pas non plus regarder toujours versus les années dernières, parce qu'en 2013, faire la finale, puis conclure le tournoi avec une médaille d'argent pour hockey masculin, c'était Ouais. vraiment une belle progression si on OK. compare à 2011. Mais je suis convaincu que la QV de 2015 cette année se sont inspirés là du parcours de 2013, puis veulent OK. bien Est-ce que, performer aussi. évidemment, ça va être en 2017, ça va être à Alma. Certainement, est-ce que ça va quand même vous mettre une pression supplémentaire sur l'organisation? Pour non. Non, non, non, c'est pas une pression, Ah, c'est une ouais, fierté de recevoir les Jeux. Je veux dire, on l'a fait en 2013. Puis pour nous, c'est sûr que l'encadrement, On essaie de la faire de la façon, je dirais, qui est linéaire, c'est-à-dire faire le même encadrement de finale en finale, peu importe le où on est, à quel endroit. C'est sûr que les faire à la maison, mais c'est un cachet qui est plus intéressant parce que les spectateurs vivent vraiment aux couleurs de nos équipes, les médias également. Ben vous avez aussi des belles histoires, autant humaines que par de performances à relater. Donc on est vraiment content là pour 2017 les avoir à la maison. C'est sûr que nous, on se prépare pour 2015 cette année. Donc, on met vraiment l'accent là, sur les performances de nos athlètes cette année, là, à quelques jours de l'ouverture. Est-ce que ça donne de quoi de particulier pour une région, plus qu'une région gagne des médailles? Est-ce que ça donne quelque chose de plus en dollars? Pas nécessairement. Non? Non, OK. Non. Ça, on le voit, là, je vous dirais, là, au niveau là, des Olympiques. Ouais. Là, on se rappelle à Vancouver, là, dans les dernières années, les programmes autant provinciaux que le gouvernement fédéral avait fait un programme qui s'appelait Vers le podium, où là, les athlètes d'élite recevaient du financement supplémentaire. Mais nous, au niveau des Jeux du Québec, on n'a pas cette manière-là de procéder. Nous, c'est vraiment une compétition d'envergure. C'est un gros championnat provincial dans plusieurs sports où les meilleurs athlètes de la région s'affrontent, mais il n'y a pas de retombées là, monétaires là, pour nos athlètes. Ben, Alexandre, on sera là, évidemment, avec Jeannie tous les jours. Même en fin de semaine, on aura des reportages. Et nous, on se reparle à la fin des Jeux pour faire le bilan de tout ça. Ben, ça va nous faire plaisir. Puis avec Mme Maltais, là, qu'on va vous faire vibrer là, également là, l'ensemble des journées de compétition. Mettons qu'elle a l'expérience de la radio, puis ça paraît. Écoutez, on est très contents là, de la façon que Mme Maltais fait ressortir la performance de nos athlètes, parce qu'on sait que c'est pas tous les parents qui peuvent être sur place. Donc, je pense que ça permet là, aux parents qui restent ici là, de vivre un peu là, l'expérience des Jeux, puis la frénésie également. On parle un peu des Jeux, Alexandre. Voilà, Alexandre Allemand, la mission des Jeux du Québec qui débute vendredi à Drummondville.